Thank you. avec une guitare dans la licence. We'll be right back. quand même pas mal ces riffs. Même le. Oh,